La corde de guitare par Auguste Mélan. Nous étions en mars 1874 dans la vallée de Somorrostro, à quelques kilomètres seulement de Bilbao. L'armée espagnole, sous les ordres du maréchal Serrano, attendait impatiemment l'ordre d'attaquer les troupes de Don Carlos qui nous barraient le passage. Le jour où on entendait le sourd grondement des mortiers du prétendant lançant sur la Ciudad de Inbichita d'énormes bombes qui trouaient les maisons du toit à la cave. La nuit, on voyait au loin, dans les tranchées du Montagno, courir de petites lumières. Parfois quelques bombes, décrivant une parabole lumineuse, venaient tomber avec grand bruit autour de nos baraques. Nous étions là quelques correspondants, Coutouli du Temps, Bourson et Houghton de l'Indépendance belge, Pellisseur, le dessinateur de l'Illustration espagnole, et votre serviteur du siècle. Notre colonie se complétait d'un intendant, d'un cuisinier et d'un brosseur pour hommes et chevaux. Nous vivions en commun, partageant tout, résolvant ainsi le grand problème de la civilisation actuelle. Parfois même, et quand quelque officier ou visiteur voulait bien partager notre repas, nous mangeons à deux à même une seule assiette, l'infecte soupe à l'ail ou le puchero national. À l'aurore, la fanfare du clairon nous réveillait, sonnant la diane, le réveil de la nature. Les fauvettes dans les buissons, les alouettes dans les airs gazouillaient leur hymne de paix, tandis que 30 à 40 000 hommes s'apprêtaient à se ruer les uns sur les autres. La toilette avait lieu au bord d'une source qui descendait de la montagne. Nous faisions nos ablutions en compagnie des soldats qui s'étaient logés dans d'énormes tas de briques déposées au bord de la route. Puis nous allions aux avant-postes. Les batteries lançaient quelques obus sur les tranchées carlistes. Au loin, Bilbao se détachait en blanc sur les rives du Nervion. On entendait le tonnerre de l'artillerie et le colonel Quintana, ému, s'écriait « Pauvre Bilbao !» Vers 11 h, la fatigue nous rappelait à la Rigada pour prendre en commun le déjeuner qu'avait préparé Tadeo. Après le café, chacun faisait sa correspondance. Puis la course nouvelle recommençait jusqu'au soir. À la nuit, et pendant que les petits soldats jouaient sur la grande route de Castro, couverte de poussière, nous allumions un grand feu de bois vert. Les soldats, nos voisins, avaient soin de nous entailler d'épaisses provisions à coups de sabre, heureux en échange de venir se grouper autour de notre feu, d'écouter notre langage étrange pour eux, de nous raconter parfois quelques épisodes de leur existence agitée. La Rigada était une petite barque de bois grande comme un pavillon de plaisance. C'est là que se percevaient les droits de passage, un des seuls impôts que connussent les provinces basques. Le propriétaire de Séan, un vieux biscaïen madré, nous racontait d'un air convaincu toutes les ruses qu'il avait inventées pour cacher aux carlistes la recette du mois. Quoique, à parler franchement, nous soupçonnions tous le digne caballero d'avoir des sympathies très prononcées pour Don Carlos. Sa fille, une pâle enfant du pays, regardait souvent vers une tranchée. Elle tressaillait quand de l'araignée un obus allait en sifflant éclater dans les sillons noirs où se cachaient les bataillons du prétendant. Mercedes nous avait avoué qu'elle avait un novio, un fiancé, et que ce novio appartenait à un bataillon biscaïen faisant partie de l'armée qui nous disputait le passage. On parlait dans le camp de la prochaine bataille. Il arrivait sans cesse des approvisionnements, de longs convois de mules portant chacune plusieurs caisses de munitions, des chargements de lits pour les blessés, des brancards et des médicaments. Des files interminables de chars à deux roues pleines étaient aussi arrivés, amenant des outres de vin. Depuis longtemps, nous avions entendu crier la roue sur le moyeu, produisant un son strident indéfinissable. Puis les chars, traînés par des bœufs, s'étaient alignés sur le bord de la route et les distributions avaient commencé. Les gourdes de cuir nous furent remplies du gros vin de Navarre. Les tranches de lard furent bouclées sur le sac et 17 livres de cartouches vinrent remplir les cartouchières et les petites sacoches de cuir que chaque soldat espagnol porte suspendues du côté droit. Nous nous groupâmes autour du feu. Le clairon sonna dans la vallée, tandis qu'au loin, nous entendions distinctement les sons de l'hymne royal qui nous arrivait comme un écho des tranchées carlistes. Puis plus rien, aucun bruit, si ce n'est ce grand murmure confus des masses d'hommes et le crépitement des forêts qui finissaient de brûler sur les collines environnantes. À 7 h, et chaque soir, un grenadin, appartenant à un bataillon de chasseurs, venait nous divertir. C'était un gratioso, un de ces troubères militaires qui semblent nés tout exprès pour distraire leurs camarades leur faire oublier les fatigues de la marche et les préoccupations du lendemain. Francesco Fernandez y Fernandez avait 22 ans au plus. Il servait depuis le début de l'insurrection, il avait assisté à 20 combats et s'en tirait toujours avec bonheur. Là où ses camarades tombaient, Francesco n'y perdait pas un cheveu. À Bella Biata, au Monte Rojo, à Navarro et dans bien d'autres actions, son étoile ne l'avait pas abandonné. De là, une sorte de confiance superstitieuse. Ce jour-là, toutefois, le Gracioso avait l'air plus soucieux. Et c'est avec un air tout à fait risible qu'il nous dit en nous montrant sa gourde pleine « Magnane indico la grande fonction des toros. » Je vous le dis, demain, la grande course des taureaux. Nous nous prîmes tous, et bien naturellement, à rassurer le jeune soldat, le plaisantant sur sa peur et sur son bonheur insolent, si bien que Francesco se mit à rire, à montrer ses dents blanches et à nous faire voir une lettre qu'il venait de recevoir accompagnée d'une belle photographie. De ma vie, je n'ai jamais vu un plus beau visage de femme. Francesco éclatait de bonheur. Notre admiration le transportait bien loin des montagnes de la Navarre, à Bobadilla, dans la montagne de Grenade, sous les oliviers et les orangers, près de la Sierra Nevada, où Dolores attendait son Ovio, le décoré, l'intrépide chasseur de Carliste. Qu'elle était belle, la jeune fille! Elle avait une physionomie mutine, effrayée sans doute par l'appareil noir du photographe ou par quelques pensées de guerre. Francesco, heureux de notre admiration, se mit à raconter 1000 anecdotes du village, toutes ses intrigues pour déjouer la surveillance des parents, enfin leur consentement au mariage, quand le soldat aurait reçu son congé. Or ce congé était proche. Francesco devait quitter son corps lorsque l'armée aurait touché Bilbao. Notre Gracioso fut ce soir-là d'une gaieté folle. Il semblait qu'ayant dominé la pensée fâcheuse qui avait assailli, il voulut la chasser bien loin de lui. Il courut chercher sa guitare, puis accroupi près du feu, il nous improvisa 1000 chansonnettes. C'étaient des chants héroïques ou des sérénades amoureuses, des refrains bizarres de l'Andalousie aux accents plaintifs, sorte d'harmonie arabe étrange. Au bout d'une heure, notre improvisateur s'arrêta, suppliant Pélissère, qui terminait à la lueur du feu un petit groupe de nos personnes, de bien vouloir lui faire son portrait. Notre bonhomme était capricieux. Il voulait qu'on le représentât au moment où, fusil en main, il enfonçait sa baïonnette dans les flancs d'un carliste. Cette demande nous fit rire aux larmes et nous plaisantâmes fort le jeune chasseur de sa prétention, qui serait sans doute fort peu du goût de la belle Dolores. Pélisseur se mit à l'œuvre. Il fit un joli dessin du chasseur, qui accroupi sur ses talons, guitare en main, improvisait à la lueur du feu. Pendant ce temps, Francesco chantait une mélodie andalouse. « Quand le agarra la mania, dio casi desperada, si se ve tan desgraciada, que n'inquedare per tia. » Quand ce couplet fut terminé, le Gracioso voulut accorder sa guitare. Soudain, une corde trop tendue cassa avec éclat. L'accident fut suivi d'un long silence, le bois sonore vibra un instant, et nous vîmes Francesco pâlir, puis faire un grand signe de croix. Quoi que nous puissions faire, il ne voulut plus chanter. Des idées sombres l'assaillaient sans doute. L'image de Dolores, la bataille du lendemain, la corde cassée, passait dans sa cervelle et troublait ses sens. Notre pauvre muchacho avait le défaut de ses compatriotes. Il était superstitieux. Il ne nous fut plus possible de le rassurer. Il nous quitta, nous serra la main, et s'enveloppant dans sa couverture, il disparut. Cette petite scène nous avait un peu émus, mais cette impression passagère disparut, car pendant la nuit nous entendîmes les colonnes de troupes glisser silencieusement sur la route. C'étaient les bataillons qui arrivaient de Santonia, de Castro, de Provenia et de toutes les vallées à plusieurs lieues à la ronde pour prendre part à ce que le Gracioso, dans son langage pittoresque, appelait la Grande Fonction des Toros. Le lendemain, à l'aube du jour, Loma, le brave général républicain, passé entouré de ses 60 000 clés, formant une garde du corps autour de leur bien-aimé général. Ils chantaient leur refrain cantabre en trottinant de ce pas léger et élastique propre aux soldats espagnols. Dès que le soleil se fut montré au-dessus des cimes du mont Marueco, le canon commença à tonner du haut du mont Jaeno, qui lançait ses obus sur une batterie carliste. Nous vîmes les bataillons massés autour de l'église de San Juan s'ébranler. Le petit pont fut traversé, puis les colonnes se répandirent dans la plaine muette, tandis que des bataillons s'élançaient vers la droite sur les collines sillonnées de tranchées. Alors la fusillade devint un vacarme épouvantable. Des nuées d'oiseaux, fuyant les bois, venaient s'abattre effrayés dans les jardins du village. Pendant toute la journée, le canon gronda, dominant de sa puissante voix le crépitement des fusils. Le soir, de silencieuses colonnes passaient sur la route, emportant des blessés ou des morts raidis. Plus de chahuts joyeux, de tournois, plus de guitares. Réunis autour de notre feu, mus par le même sentiment, chacun de nous se prit à dire à la fois « et Francesco ». Comment, dans une bagarre pareille, après le déplacement de tant de troupes, recueillir des nouvelles d'un soldat? La soirée fut triste, l'armée n'avait guère avancé. En revanche, elle avait plusieurs centaines de morts et de blessés. Le lendemain, c'était le 2 mars, la bataille recommença. Les files de blessés et de cadavres passèrent comme la veille. Dans le grand parc ravagé du marquis de Villarias, étaient déposés une cinquantaine de cadavres, officiers et soldats indistinctement à côté les uns des autres. Il y avait là des soldats de la ligne, des artilleurs, des soldats de marine. Le collet vert des chasseurs nous attira. Soudain, Taddeo, découvrant un cadavre, nous appela. Le corps était méconnaissable. Une balle avait labouré la mâchoire. Les doigts sciurés des mains étaient ensanglantés et crispés. Et cependant, dans l'ensemble du corps, il nous sembla reconnaître le jeune Granadin. Notre incertitude fut de courte durée. À 100 pas de là, l'ambulance et l'intendance avaient une station. Là, sur la paille rougie de sang, dans une chapelle dédiée à San Jacopo, on faisait le pansement et on inscrivait sur les roues les noms et numéros de matricule des morts et blessés, et en tête de la liste figurait, parmi les premiers, Francesco Fernandez y Fernandez du bataillon de Barbastro. Depuis, j'ai pensé souvent à Dolores, au Gracioso et à la corde de guitare cassée. Auguste Mélan.